Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est l'heure de votre rendez-vous du samedi. On va débuter tranquillement avec la découverte du jour. Double Exposure est un groupe américain basé à Philadelphie. Il s'est créé en 1961 et fera le bonheur des dance floors en 1975 avec leur tube 10%. Ils sortiront 3 albums et de nombreuses compilations. Le morceau que je vous ai choisi s'intitule My Love Is Free. Bon démarrage! Les 100 hits qui ont fait le disco, nous allons nous intéresser aujourd'hui à Big Fun, Dinner City. Kevin Sanderson fait partie des DJ qui revitalisent l'activité à Détroit après le départ de la Motown en 1972. Il rêve de produire un mix disco, soul, funk, comme le faisait son idole, le DJ Larry Levant. Il réalise une démo avec un de ses amis DJ, mais le résultat, il est peu probant. Il décide d'y rajouter du piano, mais c'est pas de chance, personne ne sait en jouer. C'est pas grave, ils vont se servir d'une piste préenregistrée. La démo va rester dans un tiroir et un de ses amis, c'est toujours comme ça, tombe par hasard dessus et lui conseille d'y rajouter une voix féminine. C'est Paris Gray qui sera l'heureux élu. Elle vient du gospel et c'est son grain de voix qui va lui rappeler au compositeur le grain des chanteuses disco. Elle va revenir un mois plus tard avec un texte et une mélodie de chant. Ils vont enregistrer ensemble le fameux Big Fun. Il s'en vend des milliers d'exemplaires et le titre, il va même figurer sur une compile techno. Big Fun va passer en boucle à la radio et va devenir le premier hit techno house à dépasser le million d'exemplaires vendus. Inner City, c'est le nom que va prendre le groupe et le groupe va sortir un autre single, Good Life, qui deviendra le fer de lance d'un phénomène qui va envahir les pistes de danse. C'était en 1988 et ça donnait ça. Fadjet, à Nancy, sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. On continue avec les 100 plus grands albums de disco-funk, et en particulier celui de Boney M, Take the Heat Off Me. Je vous l'ai déjà fait découvrir, Fever. Alors, pour info, l'album a été classé dans le top 40 du Royaume-Uni et a atteint la seconde place du top en Norvège et la première en Suède. Les pays nordiques, ça a mis à bon aimé. Daddy Cool s'est classé 6e au Royaume-Uni, premier en Suède et en Norvège, ça se confirme. Sony s'est classé la 3e place du top anglais, 4e top norvégien et premier en Allemagne. Bon, une petite baisse au niveau de la Norvège. On va voir s'il y a toujours la fièvre. On enchaîne avec le maxi. Aujourd'hui, je vous propose Blue Feather et leur titre Let's Funk Tonight. À l'origine de ce groupe, deux frangins. Les deux frangins Brower, qui dès le milieu des années 70, et ils vont jouer dans des clubs, histoire de se faire un peu la main au niveau musical. À l'aube des années 80, ils sont rejoints par d'autres musiciens, des potes à eux, qui prennent le nom de Blue Feather, la plume bleue. Ça veut faire référence aux Amérindiens dont ils sont très proches. Le morceau Let's Fun Tonight sort en 1982. C'est un titre très très efficace qui trouve des oreilles attentives sur les pistes de danse et ce malgré des prestations télévisées ternes et statiques. On va dire que c'est pas des showman. Le titre, il tourne également très bien en radio. Bah, en plus, c'est favorisé par l'avènement des radios libres qui vont privilégier les formats musicaux inexistants jusqu'alors. Est-ce qu'il va leur permettre aussi, et à leurs morceaux, de bien se vendre? Alors, non seulement c'est pas des stars, c'est pas des grands showman, mais en plus, au niveau design, leur pochette, comment vous dire, elle est d'une grande simplicité, voire même pas très jolie, comme d'ailleurs bon nombre de leurs pochettes de disques. Alors, à en croire, ça j'en sais rien, mais qu'ils ont voulu faire une signature un peu. Alors, aux Pays-Bas, le titre il va culminer à la 89e place, pas terrible. 50e en Angleterre, pas terrible. 25e en Italie, pas terrible. Et c'est la France qui sera le plus enthousiaste, 17e. Par contre, maintenant, il cartonne, c'est devenu une légende. Un Karen Cheryl jamais diffusé sur votre antenne. Stoneman ne figure sur aucun album et pourtant ça ne l'a pas empêché de faire un carton aux États-Unis. Comme quoi, quand c'est bon, ça cartonne toujours. Faites-vous votre avis. Stoneman, yeah. comme il me reste un peu de temps, et ben j'ai envie de vous faire découvrir un titre de ma playlist, un titre que j'aime beaucoup. C'est Dan Hartman, Will Light My Fire. On va voir si le feu va se réallumer. Bon, bah, il est déjà temps de se quitter. Je vais vous dire bon samedi soir. Bonne semaine et à samedi prochain, même heure, même endroit. Bye bye. We'll be right back.